C'est mon poteau, je l'aime mais il m'ignore. Alors quand je suis au quartier, je fais l'ivrogne. Que tu coffres, tu veux le million. Tout ça pour attirer les filles mignonnes. Et je te souhaite vie longue. Même si tu me rabaisse de longue. J'ai jamais voulu te faire de l'ombre. Ou alors c'est que tu me connais mal. Oh putain j'ai trop mal. Je suis comme berger chaud mal. Ouais ouais je suis chaud mec. Ils vont finir dans le coma. J'analyse. Je peux plus te payer. Faut que je fasse des réalises. Faut que je pète le million. Et que je prépare mes valises. Je réalise. Pour avoir une image ça se salit. Et les ennemis des ennemis s'allient. Pour une part du gâteau ça s'allume. Mais c'est la loi. Si pour y faire de l'ombre à la lune. Allez casse-toi de l'âge. Pas avec moi j'ai passé l'âge. Si t'as pas l'équipe pas les couilles. Pas pas qu'à l'âge. Ces fils de mon bel. Mais moi non j'ai même pas la rage. Je suis déconnecté du monde. Je suis là je bois ma hache. Je suis même plus à la page. Je reste chez moi pendant que tu montes et peu qu'à la plage. Jalousie dans l'air. Ouais ça sent la patate. Je sais qui sera là pour moi si ça pète à la place. C'est mon poteau. Je l'aime mais il m'ignore. Alors quand je suis au quartier je fais l'ivrogne. Que tu coffres tu veux le million. Ça pour attirer les filles mignonnes. Et je te souhaite vie longue. Même si tu me rappelles de longue. J'ai jamais voulu te faire de l'ombre. Ou alors c'est que tu me connais mal. Tu veux ma place, tu veux ma bière, encore tu veux le buzz. Tu veux quoi ma mine, ma caisse, mes sous, ma buzz. Mes potes, ma folle, gros, ma vie, ouais je l'aime à mort. A tous les gens que je côtoie, je vous dis mi amor. Y'a mes amis à bord, je conduis la soucoupe. Personne qui te houpe, on les baise à tous. Même s'il faut que tu te pousses. Qui veut tester, on choque sous dans la rue. On a toujours le douze. C'est interdit de faire la pute dans la zone. Quitte à mettre un gilet pare-balles sous la zone. C'est interdit de donner son cœur à une faux folle. Si elle est là c'est pour ta queue ou pour tes sous-sous. Cette routine elle fait comme abîmer. À croire que je parlais des sourds je vais me mettre à mimer. Tout le monde joue un rôle on se croirait au ciné. Que on dort au lieu de dire les choses bien aussi mais. Que je fais des tours dans ma ville, de ma vie. Je fais ce que je veux dans le bon, je me guide. Le check est mort, faut qu'il revive. Vive le temps d'avant, même si en poche j'avais pas de liquide. Charbon, guette à pas de flics, faut qu'on file. Dans le check, pas encore de donneur dans les coups de fil. Touche la famille pour autour, je ferai tout pour qu'on te kill. Je ferai tout pour qu'on te kill. C'est mon poteau, je l'aime mais il m'ignore. Alors quand je suis au quartier, je fais l'ivrogne. Que tu coffres, tu veux le million. Tout ça pour attirer les filles mignonnes. Et je te souhaite vie longue. Même si tu me rabaisse de longue. J'ai jamais voulu te faire de l'ombre. Ou alors c'est que tu me connais mal. C'est mon poteau, je l'aime mais il m'ignore. Alors quand je suis au quartier, je fais l'ivrogne. Que tu coffres, tu veux le million. Tout ça pour attirer les filles mignonnes. Et je te souhaite vie longue. Même si tu me rabaisse de longue. J'ai jamais voulu te faire de l'ombre. Ou alors c'est que tu me connais moins.